Chapitre 20e. Nouveau projet. Celui qui gagnait quelque chose dans cette équipée fut le général Sovarov. Paula Broca le conduisit dans la pièce qui faisait suite à sa chambre et lui montra le dispositif employé par le prince pour faire apparaître les fantômes. C'était, à peu de choses près, celui dont Paula Broca, de son côté, se servit pour montrer qu'il avait percé le mystère et pour affermir l'esprit du général contre l'apparition de ces fantômes. Le système consistait tout bonnement en une petite lanterne magique à objectif puissant qu'éclairait une lampe électrique de poche. Le cliché minuscule passait devant l'objectif comme dans toutes les lanternes de projection et arrivait considérablement agrandi sur le mur. Il donnait une image peu nette, très floue. Mais le général, affolé, redoutant les fantômes, en voyait partout. Son esprit, qui malgré tout, la nuit venue, se ressentait des nombreuses lampées d'alcool de grain, son cerveau saisi par le souvenir, le remords peut-être, de Johanna, était tout disposé à accepter comme vraie Johanna n'importe quelle silhouette de femme qu'on lui montrerait dans ces conditions fantastiques. Paulin Broquet était venu, lui, dans la journée, à l'hôtel, et pendant que le général, furieux de ne pas le voir, tempêtait après lui, tranquillement il arrangeait dans la chambre hantée le dispositif qui allait lui servir. Il accrochait au mur une petite lanterne magique, comme celle du prince, munie d'une lampe électrique. En même temps, il adaptait un disque de verre rouge au trou percé dans le mur et qu'il découvrit non sans mal, par où le prince faisait pénétrer dans la chambre du général le faisceau lumineux de sa lanterne. Le moment venu, il interrompit, comme nous le savons, le jeu de lanterne magique du prince et fit passer ses projections, la vue de la tour pointue qui fut saluée par un coup de revolver. Paula Broca s'était livré en faisant cela à une véritable gaminerie. Il avait répondu par une bonne blague de Titi Parisien à la machination du prince Grigoriski. Mais en combattant Zigomar avec armes égales, il avait l'intention de guérir le malheureux général de ses frayeurs si extrêmes, de sa terreur des fantômes. Il espérait, en lui faisant passer sous les yeux non plus seulement la silhouette d'une femme dans laquelle son imagination nerveuse voyait de confiance la tant regrettée, mais des maisons, qu'il comprendrait qu'on se moquait de lui. Le choix de la vue de la tour pointue, qui était également à l'intention du prince Grigoriski, produisit plus d'effet qu'en réalité le détective ne l'espérait. Plus que celui à qui, en somme, s'adressait l'allusion, le général fut frappé. Mais cela importait peu à Paulin Broquet. Les cris du général n'étaient que la suite de la manifestation d'une conscience endormie que la terreur seule éveillait. Paulin Broquet, après la tour pointue, donnait une vue quelconque de Paris, mais le coup de revolver interrompit la suite. Le projectionniste avait, à la place de son objectif, dont le verre rouge neutralisait l'envoi lumineux, glissé le canon de son revolver. Paulin Broquet avait prévu cela. Dans la journée, quand à l'insu du général il établit son appareil de projection non loin du trou dans la muraille qui servait au prince, il avait lui aussi aménagé un trou suffisant pour que le canon de ce revolver y trouve passage. « C'est par là, dit-il, que nous allons échanger des amabilités. » Il avait également étudié le moyen de s'emparer du prince pendant qu'il se livrait aux manipulations de son appareil à projection. Pour cela, il s'était aménagé un passage par une porte condamnée qui donnait dans la salle faisant suite à la chambre à coucher du général. Le soir venu, à l'affût, ses hommes disposés pour couper la retraite au prince et à ses acolytes, s'ils se faisaient accompagner, il attendit patiemment. Et il eut la désagréable surprise de ne pas reconnaître dans l'homme qui par la croisée pénétra en ouvrant les volets, dans la pièce, le prince Grigoriski. Inutile d'arrêter un comparse, se dit-il, quand le prince est ailleurs dans la maison et peut m'échapper. Alors il laissa la séance de projection avoir lieu, et il répondit comme nous avons vu. Mais l'homme du prince, furieux de se voir jouer et trompé probablement par ce jeu d'ombre, fit feu. Paulin Broquet se trouvait au-dessous de la ligne de tir. Il évita facilement le coup de feu. Mais à son tour, il fit parler son revolver dans la direction du faisceau lumineux. Il comptait rencontrer l'homme. Toucha-t-il? Manqua-t-il? Il ne put s'en rendre compte. Bref, de toute cette équipée, il résultait que Paulin Broquet enleva au prince l'envie de recommencer ses projections. Il n'arrêta point le prince Grigoriski, mais il fit rendre le sommeil au général. Il lui démontra plus avant dans la nuit comment on abusait de sa crédulité en faisant apparaître sur le mur d'autres vues. Désormais, le général était un homme prévenu contre les fantômes. D'ailleurs, il était absolument furieux d'avoir été ainsi mystifié et jurait qu'il en tirerait une vengeance formidable. Paulin Broquet se demandait si maintenant le prince Grigoriski oserait se présenter encore chez le général. Il en doutait, Pour lui, voulant en finir avec cette comédie qui avait pour enjeu la possession de tant de millions, il pensait que le plus sûr moyen était de détruire la nouvelle personnalité de Zygomar en retrouvant le vrai prince Grigoriski. Mais où tenait-on caché ce pauvre diable? Dans quelle maison d'aliéné? Dans quel asile? Dans quelle prison? Existait-il encore, ce malheureux? Paulin Broquet voulut en acquérir la certitude. Alors, il décida avec Gabriel d'aller faire une nouvelle visite dans la Barbotière, de passer par l'antre de la Baleine, de monter enfin jusque dans l'appartement du fameux docteur Hooker. « C'est là, sans doute, que nous trouverons la clé de tout cela, » dit-il. « Il faut que nous allions voir ce qui se passe par là. »